Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Floodcast. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. J'ai plus d'énergie. C'est fini, moi c'est terminé. On a tout donné là sur cette entrée. Bonsoir, j'allais dire bonjour, bonsoir. Non, là c'est le soir, c'est fini. Oui, c'est le soir. Là. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Floodcast. Et merci, Nantes. Il y a eu un quart de seconde qui m'a... Comment fait... Le quart de seconde où ils n'ont rien dit m'a fait très peur. Ah, ouais. Nantes. Et non. Et non. Tu l'as déjà dit 5 fois depuis le début du spectacle. On n'est pas des singes, il suffit pas de dire le nom de la ville pour qu'on applaudisse, donc mec. Bon, merci beaucoup d'être venu, ça fait plaisir d'être à la Cité des Congrès, moyenne salle, un peu insultant. On est arrivé à l'entrée des artistes, on fait « Ah non, ça c'est la grande salle, les gars. » Ouais, ouais. Et bah, après, ça reste un floodcast, donc voilà. Ça, on va pas parler pendant 1000 ans. Qu'est-ce qu'on va faire, Florent ? On va se mettre derrière ce pupitre et faire un floodcast, voilà. Allez, tout simplement. Si vous êtes parti. D'accord, bien sûr. Et notre premier invité, tout simplement, eh bien, il y a un jingle qui était censé se lancer, mais il ne se lance pas, car c'est ça, le floodcast. Évidemment. Oh, qui recule. Si on était une émission musicale pas ouf, on dirait qu'elle a un univers bien à elle, une sorte de Barbara, la sauce Tim Burton. Mais nous, c'est le floodcast, alors on va juste dire qu'elle est Champ Max. C'est Pyjama. Salut, c'est Pyjama, la chanteuse, elle est aussi illustratrice. Bonsoir. T'as vu comme c'est des malades. C'est des ouf dingues. C'est parce qu'au début j'ai dit bonjour Nantes et ça les a. Bah. Non, et tu n'es pas la seule invitée, non. Pyjama. Oh non. Oh. Notre deuxième invitée, les jingles mettent 25 minutes à arriver, soyez pas inquiets. Son amour de l'étrange en fait notre Fred de Scooby-Doo National. Il pourrait être l'enfant de Fred et Jamy s'ils avaient Ken avec Marcel, et je dis ça parce qu'il est beau comme un camion. C'est Patrick Beau. Patrick Beau. Bienvenue Patrick. Eh bien merci les amis, la dernière fois qu'on s'est vu sur scène c'était au Bataclan. C'est vrai. Une semaine après c'était le Covid. Absolument. Donc, et j'en étais le seul responsable d'ailleurs. Voilà. J'avais le Covid pendant le Bataclan. C'est vrai. On disait Adrien il a chopé une petite grippe, machin et tout. C'est littéralement le Covid. Le patient zéro en France. J'avais pas de symptômes le soir du Bataclan. Non mais t'avais pas chopé froid, il me semblait que t'avais chopé froid. Non. J'invente ? Oui, t'en prends. C'est ça, c'est... Plus ou moins mythomane, ce que spectacle. Je suis. Spectacle. Ouais, tout simplement. Donc, vous êtes au flot... Non, c'est de l'eau, t'inquiète. Elle a reniflé sa tasse, sa maman. Oui, non, mais... Réflexe de à femme. À sa décharge... À sa décharge, l'eau est... a un goût. Preuve que tu n'as pas le Covid, par exemple. Voilà. L'eau a un goût, déjà le titre de l'épisode, hein, malheureusement. Merde. Donc, vous le savez, c'est un floodcast. Donc, qui dit floodcast dit petit jeu des news. Et comme... Ouais. Je me permets du coup, parce que vous connaissez, donc si vous connaissez le Floodcast, le jeu des news du Floodcast, et vous savez sans doute qu'à une époque, Florent avait fait un jingle. Adoré des gens. Voilà. Ouais. Plébiscité par tout le web. Ouais. Mais apparemment, mon visage reflétait peut-être un enthousiasme moindre d'après Florent. Moi, j'avais jamais rien dit, mais... Voir une haine folle. Voilà. Du coup... Florent a supprimé ce jingle. Vexé comme un pou. Et il m'a dit, eh ben pour la tournée, sale chauve de merde. Non. A-t-il dit, t'as qu'à en faire un jingle si t'es si malin. Et j'ai dit, ah ouais, je vais pas faire un jingle, je vais faire 7 jingles. Je vais en faire un par date, comme oui, ça oui. Tu seras bien surpris. Wow. À chaque fois. Un par date, on va pas vous faire écouter les 7 non, jingles. Non. Quoi qu'on on pourrait, ça pourrait être mal. Si on est un peu court à la fin, on met tous les jingles d'affilée. C'est ça. Et donc, du coup, à Toulouse, j'avais fait un jingle sur le thème du rap, parce que bah, je viens de la street, de la hure. Et je me suis dit, mais quel égoïste. Ah oui. De comment ? J'ai pas parlé. Il y a eu un petit... Non, il y a eu une petite, oui, bon, voilà. Une petite complicité, une quoi. Complicité, voilà. Bon, bah, ça m'a pas interrompu dans mon propos, donc c'est bien. Non, et je me suis dit, quel égoïste, parce que toi, bah, t'es un enfant du métal. Bah, apéro ou quoi ? Ah, voilà. Et en plus, on est près de Clisson, le Hellfest et tout, donc je me suis dit, bah, je vais te régaler. Voilà, jingle. Laisse-moi mettre une petite serviette autour de mon cou, là. Ouais, c'est bon. C'est de la zik, hein. Oh, les news! lundi, Floodcast, insolite comme le diable, les news du démon, elles sont insolites à cause du démon, l'œuvre du diable. Voilà. C'est peut-être un de mes préférés. Ah, je te le dis. Putain, il y a un petit côté Ozzy Osbourne. Bah, un peu, ouais. Un peu. J'ai l'impression d'une reprise de Motorhead par Jean Ferrat. Très énervé. Donc, on va quand même faire ce jeu. Bien sûr. Tout simplement. Alors, les news du Flopcast, vous connaissez, c'est des actualités un petit peu insolites. Mais je me suis dit, malin comme un véritable singe, on est à Nantes, on va faire d'abord des petites news insolites de la ville de Nantes. Voilà, tout simplement. Waouh. Ben oui, oh, un peu touché. Ça vous a touché un petit peu. Je me dis, oh bah il est sympa ce mec, putain, il s'est un peu intéressé. Faut pas de notre gueule. Ouais, on en a pour notre argent, disons. Ouais. À Notaire de Nantes. Alors ne soufflez pas, bien sûr, hein, sinon vous gâchez toute la soirée, tout simplement. un notaire de Nantes. Oh, j'ai dit un Nantaire. Oh non, mais arrête. Mais ça, c'est bêtisier direct. Non, mais ça, c'est à l'aléa du spectacle. Un notaire de Nantes a inventé un jeu de société qui crée un peu le débat. En notre avis, quel en est le concept ? Est-ce que c'est raciste ? Non. Je sais pas. La bonne paye raciste ? Non, ce n'est pas la bonne paye raciste. Est-ce que la controverse vient de la nature des objets qui sont échangés ? Il parle dans trop ce bien, jeu, lui, ou... mettre des complexes. Alors, ce n'est la pas, pour répondre à tes mots, Patrick, oui. Ce n'est pas une controverse. Quand je dis je crée le débat, j'hyperbole un petit peu. Je pense que c'est juste, il y a eu des petites discussions autour du concept du jeu, mais ça n'a pas créé une polémique, une controverse. Pas un bad buzz quand même. C'est pas un bad buzz. Eric et Quentin ne sont pas dans cette news. vraiment, ni l'un ni l'autre. C'est lié au Covid ? Pas du tout. Okay. C'est lié à la police ? Non, ni à la police. C'est un notaire. Ça vous donner un petit notaire. Petit indice. Est-ce qu'il faut spéculer sur la mort de célébrité ? Et tout le monde va miser. Bien sûr. Je couperai ça. Ça c'est entre nous. Ça c'est entre nous, hein. Non, c'est un notaire, mais pas sur la spéculation. C'était pas si loin parce que c'est sur la mort, mais ce n'est pas la mort de célébrité. C'est le type de mort. Non, ce n'est pas une spéculation. Par rapport à l'héritage, un truc d'héritage. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Mais oui. Bah. Quel... On se dit qu'on applaudit dès qu'il y a une bonne réponse. Comme ça, personne se sent mal. C'est un jeu autour des droits testamentaires. Genre, quels sont les droits... Ça a l'air trop bien. Le fun. Trop marrant, ce jeu. Quels sont les droits du nouveau conjoint en cas de remariage ? Ça a fait polémique parce que les gens ont dit « c'est de la merde, ouais. Ne le vend pas ». C'est un Nantaire, il était juste là. Hein. Un Nantais, pardon, il était juste là. Quels sont les droits du nouveau conjoint en cas de... C'est quoi ? Qu'il vienne te chercher ou quoi ? T'es Macron, mon pote. Il a bien fermé sa gueule. Quels sont les droits du nouveau conjoint en cas de remariage ? Peut-on déshériter un enfant ? Qu'advient-il des comptes bancaires et des prêts en cours ? Dans toutes les familles qui passent la porte de l'office, les interrogations sont les mêmes. 9 sur 10 concernent l'héritage. Il ne fallait guère plus que ce constat pour qu'une idée germe dans l'esprit fertile de Vincent Chauveau de Nantes. Celle-ci prend la forme d'une boîte... Est-ce qu'il y a des gens de la famille de Vincent Chauveau ce soir dans la salle ? Il y a des chevaux ? Ou des poneys ? Oh, arrête ! Ah, c'est l'avant-dernière date, hein, ça faut pas. Ouais. Ouais. Les meilleures blagues ont déjà été faites, les dates d'avant, vous doutez bien. Celle-ci prend la forme d'une boîte de jeu au design efficace et soigneux. Alors je l'ai vu, oui, je sais pas. Un plateau, 26 cases, 112 cartes, des pions et un dé, un condensé de Monopoly, de bonne paye au final, mais pas raciste. Et du jeu de loi revisité à la sauce notaire. La sauce notaire qui régale les gens. Déjà, le jeu de loi, c'est un pur délire, mais à la sauce notaire... Ah, moi, j'aimais bien le jeu de loi. C'est ce qui manquait au jeu de loi, en fait. C'était cette petite sauce notaire. Oui, c'est ça. Ouais. Moi, je hais tous ces jeux. Ah, t'es pas très jeu de société ? Bah, pas ceux-là, en tout cas. Et je déteste la société, donc... Comme ça, c'est dit. Un institut nantais propose de vous rémunérer 1410 euros. Okay. Coquette somme, un peu de beurre dans les épinards, et puis en ce moment, on dit pas non. Pour payer le chauffage, hein, parce que... On met des cols roulés ou quoi ? Ils payent pour que les gens restent habités dans la ville. Non. Oh, waouh. Mais joli, mais c'est pas la ça. La meuf insulte la ville directement. Et voilà. Mais c'est de la provoque, attends. Bande de nazes. Waouh. Attends. Laisse-moi les reprendre. Apéro ! C'est bon, heureusement que je suis là, putain, heureusement. Donc oui, un institut nantais propose de vous rémunérer 1 410 €. À votre avis, pourquoi faire? Pour marcher. Pour tester des produits. À alors, des non. médicaments. Alors, c'est lié un peu au monde de la médecine, mais c'est pas pour tester des médicaments. Pour tester des maladies. Non, c'est pas pour tester. Alors, non, mais c'est pas pour tester quelque chose. C'est pour faire de la. Ah, pour être docteur. Pour être cobaye de quelque chose. Ah, c'est peut-être pour aller dans les hôpitaux pour voir comment ça se passe. Non, c'est plus cobaye, mais pas non plus, on fait des expériences sur toi. C'est juste, on vous paye pour examiner un truc chez vous. Ah, oui. Un rapport avec le Covid ou pas? Pas du tout de rapport avec le Covid. Si. On te... Allez, je te le laisse. Ok, avec c'est la bonne réponse. On te file le Covid pour voir comment ça se passe. Il vient de dire que ça n'avait pas de rapport avec le Covid, malheureusement. Non, malheureusement. L'inverse de ma réponse. L'inverse. Tu aurais eu juste, ça aurait été un twist à la Shyamalan. C'est vraiment... Le Covid. Je vous propose d'enlever le Covid de l'équation. Okay. On te donne une maladie? Pas du tout. D'accord. Non, on donne pas de maladie. Ce que je disais, on vérifie les choses sur toi. Le cul? Alors, on s'approche. Ah! On te met une sonde dans l'urètre. Alors, non. Bien qu'on puisse, oui. Est-ce qu'on fait un examen médical sur toi? Une sorte d'examen médical. On était prise pas de sang? Vous allez être surpris de cet épisode du Floodcast, mais on était pas loin avec le cul. On était vraiment... La coloscopie. C'est quoi une poloscopie, pardon? Non. Ah non, coloscopie, c'est le cul. Coloscopie, on te met une caméra dans le cul, littéralement. Ah oui, c'est ça. Mais arrivé, il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est pas ça du tout. Non, il n'y a pas de caméra d'iPhone, par contre. C'est... caméra de... Non, ce n'est pas une caméra. On met Cadmérade dans ton cul. Pas mal. Ouais, voilà. C'est le Floodcast. On a le nouveau titre, hein, ça l'a remplacé automatiquement. Non, mais vous êtes pas très loin. On est dans un rapport avec le caca. On est dans la zone banlieusarde du trou du cul. Voilà, on est dans... Les couilles. Non, pas les le couilles. Le périnée. Non, moins, plus proche, plus... Les fesses. Comment on appelle ça? La prostate. Tu piques les fesses. Les mains. Les fesses. Écoutez, je ne vous ai pas interrompu, oui. Ne m'interrompez pas. On va pas débattre pendant des heures. Est-ce que c'est le sphincter? Est-ce que c'est un organe interne? Est-ce que c'est les intestins? Non, mais on est... Voilà, tout ça. C'est un rapport avec la crotte? Ça fait trois fois que je demande si c'est un rapport avec la crotte. C'est un rapport avec la crotte. C'est un rapport avec la crotte. Est-ce que c'est lié à la grève de caca? On te regarde chier. Hein? On te regarde chier. Alors pas à te regarder. Ça, pas besoin d'être... On te fait des commentaires pendant que tu chies. On fait « Allô, tu chies !» Ouh! Et on voit si ça a une influence. C'est le Canal Plus Football Club. On t'encourage. C'est de l'analyse de caca? Tout simplement. On récupère ta merde. 1 400 balles? Où doit-on signer, pardon, mais 1 400 balles pour qu'on analyse ta merde, qui dirait non? On est, enfin, c'est non, ok. Allez, que moi, d'accord. Ouais. Donnez-moi 1 400 balles. Il faut être de corpulence normale, entre 18 et 30 DMC. Avoir un transit intestinal régulier. Ah, avoir un bon état de santé moi, générale aussi. Et mentale. Ah, les c'est quatre foutu dégages. Pour moi. Ouais. Être sans pathologie, habiter à Nantes ou sa périphérie, alors ça j'aime bien, dans un rayon de 40 km. Ouais. Avoir quel énormément de cheveux. Ah, le body shaming, on a le droit sur les hommes apparemment. Moi j'aime bien le habiter à Nantes ou sa périphérie pour étudier ta merde. Faut qu'elle aille, bon, bah, c'est peut-être rapport au goût de l'eau à Nantes, peut-être, je sais pas. Il y a un jet lag de merde peut-être. Celle-là, une infamie par contre. Ça va. Avoir entre 18 et 65 ans, un institut de recherche, BioFortis, à Nantes, recherche des volontaires pour faire don de leur sel pour une étude qui doit durer 6 semaines. En échange, les participants recevront une indemnisation de 1 410 €, une belle somme en soi, pour qui souhaiterait mettre du beurre dans les épinards. Tu l'avais dit, ça. L'objectif principal de cette nouvelle étude clinique est, selon BioFortis, de produire un médicament expérimental sûr et standardisé permettant de soigner des personnes malades. Et ce que j'aime dans cette description, c'est que c'est très flou. Oui. C'est vraiment l'objectif est de trouver un médicament contre une maladie et ils ne disent pas laquelle. Pour moi, c'est un mec qui souhaite récupérer des merdes de Nantais. Là, c'est. Non, mais c'est vrai. C'est Philippe Catherine pour sa collection, peut-être. Ouais. Il collectionne la merde, je sais pas si vous saviez. Mais Philippe sa Catherine. Merde. Non, il ah collectionne non, c'est la merde. Ah non, c'est la sienne, je crois. Pas que. Mais ah ouais si. non, ah, il non. a ouvert sa collecte. Non, la merde d'autres gens aussi. Non, je crois que c'était que son caca et qu'il les mettait dans des bocaux non. et qu'il avait dans son entrée. Ou bah quoi, c'est. Bah non. Non. À Nantes, une restauratrice a dû changer le nom de son établissement. À votre avis, pourquoi? Elle s'appelait Zemmour. Non, alors, ça, c'est bah coiffeur. Non, c'est un coiffeur, ouais, c'est vrai. Il y en a un à Avignon d'ailleurs. Bah ouais, Patrick, tu dois le savoir. Absolument. Toi qui as voté Zemmour. qui d'ailleurs s'est fait saccager sa vitrine, si je ne m'abuse. Ah, intelligent, ça. Quelqu'un qui a cru que c'était vraiment Zemmour qui faisait des coupes de cheveux. Oui, mais il y a eu des confusions. Ouais. D'ailleurs, le mec Zemmour, le coiffeur, a dû faire un démenti en disant « Attention, je ne suis pas Éric Zemmour. » Bah si, c'est Éric Zemmour. Oui, ouais. Je ne suis pas le Éric Zemmour. Oui, bah c'est... Et moi, j'ai habité au-dessus de ce coiffeur pendant 10 ans. Et tous les soirs, vers minuit, il y avait des gens bourrés qui disaient « Ah, Éric Zemmour !» Et j'en pouvais plus, quoi. C'était ça en continu. Ils ont raison, cela dit. C'est pour ça que j'ai quitté la ville. Ça et l'inactivité. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est parce que l'enseigne était énormément raciste ? Alors. Ah ! Oui. Aïe, aïe. Le s'électrise. Le nom de la boutique, c'était « Eh, vous avez vu la petite sirène ou quoi ?» Évidemment. Bah oui. C'est bizarre, les applaudissements d'habitude, et on fait pas ça. Oui, on n'applaudit pas les blagues pendant le podcast, effectivement. Ce serait bizarre. C'est atroce. Et gênant pour ceux qui ratent. Oh, sublime. Mais faisons-le à partir de maintenant. J'ai pris goût, désolé. Alors, bon, en préambule, à la manière d'une poule maladroite, je vais marcher sur des œufs. Je vais éviter de répéter. Trop je vais mignon, éviter en de répéter un mot raciste 34 fois dans cette news. Donc, je vais le dire en anglais. Vous ferez la traduction c'est dans N-word. Votre tête. Où il y a du N-word. Okay. Et vous ferez le jeu de mots dans votre tête. Comme ça, vous serez raciste dans votre tête. Pascal comme, N-word. Comme beaucoup de Français. Alors, lorsqu'elle a repris il y a 15 ans le restaurant The Grilled Nose. Okay. Ah oui, bah oui, c'est chez vous. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, oui. Donc c'est un jeu de mots, mais raciste, c'est très étrange. C'est depuis le début des années 60 une véritable institution sur le quai de la Fosse. La réputation de l'établissement, spécialisé dans les grillades au feu de bois, avait depuis longtemps dépassé le quartier du port et Adeline ne s'est jamais interrogée sur le nom de son affaire. Avant cet été, un beau matin, dit-elle, j'ai trouvé une remarque sur le site TripAdvisor et j'ai découvert qu'il y avait une pétition demandant le changement du nom ou carrément la fermeture du restaurant. L'initiateur anonyme de la pétition dénonce alors une provocation raciste qui doit disparaître, estimant irrespectueux et indécent que l'on puisse faire des jeux de mots au sujet d'un crime contre l'humanité. Entendable, disons. Oui. Adeline dit « Changer de nom n'est pas sans conséquences. Cela a un coût et cela peut avoir des conséquences commerciales. On a donc choisi la solution la plus simple. On a changé le « grilled nose », on a enlevé le « e » accent aigu pour devenir le « nez grill », ce qui ne veut rien dire. Et une appellation qui fait plaisir à tout le monde. Donc elle a quand même changé de nom, mais pour un truc nul qui veut rien dire. Elle aurait dû vraiment changer totalement. Oui, c'est ça. La bonne cuisine au feu de bois est un meilleur titre que le nez grillé. Ou prendre un synonyme de nez, par exemple. Ouais. Le tarin grillé. Oh, voilà. Le tarin. Non, mais je sais pas. Un film d'Audiard, le tarin grillé, alors, un petit peu. J'ai découvert, moi, j'étais à Biarritz cet été. Il y a un quartier de Biarritz qui s'appelle La N-word, carrément. C'est le nom du quartier. Voilà. Ah. Et La France a un passé. Hein. Oui, voilà. À l'heure où on enregistre, on a appris la mort de Coolio, qui a fait Gangsta Paradise, et je vous défie d'en dire une autre. Voilà. Lui, savez-vous d'où lui vient ce surnom, Coolio ? Oui. Alors, Adrien, moi aussi, je le sais. Ah, vous je le savez. Bon, Pauline, on va pas t'humilier. Moi, Pauline, tu es jeune. Allez-y. Non, mais non. Allez-y. Non, mais toi, tu es jeune, donc tu sais pas, sans doute. C'est pas ton époque. Ben, non. Alors, Adrien, est-ce que tu peux nous dire ? Ça m'énerve nous beaucoup. J'avais entendu l'anecdote, je l'avais lu il y a très longtemps dans un magazine, et qu'en gros, un jour, il était en train de jouer de la guitare, et il y a un de ses potes qui lui a dit « Eh, tu te prends pour qui ? Tu te prends pour Coolio Iglesias ?» Et du coup, il a dit « Eh, Coolio, pas mal !» Et du coup, Coolio. C'est une très bonne réponse, voilà. Adrien Ménial. Moi, c'était ça aussi. Ouais, ouais. Alors, je vous propose un petit jeu dans le jeu. Quoi? Je vais vous donner un petit jeu dans le jeu. Oui, c'est quoi? Ça. Eh oui, un autre film d'Audiard. Un petit jeu dans le jeu. Quoi? Je vous donne des noms de rappeurs et vous. Un petit jeu dans le jeu. Quoi? Mais c'est pas juste, il est de la street et nous non. C'est vrai. Je vous donne des noms de rappeurs et vous devez me donner d'où viennent ces pseudos. C'est des rappeurs qui ont des pseudos et vous savoir en vrai d'où ça vient. Par exemple, si je vous dis Dr. Dre. Il s'appelle André. André, mais pourquoi docteur à ton avis? Il analyse la merde des gens dans la région de Nantes. Non, docteur, je sais pas. Non. Vous pouvez essayer de deviner, bien sûr. Bah, il a fait des études de médecine avant. Pas de... du tout. Il était brancardier. Non. Parce qu'il est docteur parce qu'il calcule vachement comme les docteurs. Hein. Calcule. Sûr, j'allais te dire, c'est mathématicien Dré. Mais non, non. Est-ce que il y avait un rapport avec la médecine, il soignait ses potes d'une manière ou d'une pas autre. Du d'accord, tout. D'accord. C'est ça le truc. Il voulait s'appeler Doc Gynéco, mais c'était pris. Docteur Maboul, mais ils ont dit peut-être pour un rappeur, pas ouf. Non, non, c'est par rapport. Je vais vous donner la réponse. Allez, ok. Puisque c'est. Non, mais c'est des petites anecdotes comme ça. Bien sûr. Enfin, je sais qu'il en est friand. Des petits bonbons. Non, des mais petits regardez-le. Bonbons pour moi. Il était fan d'un basketteur qui s'appelait Julius Erving. Ah, Dr. J. Dr. J. Oh, et donc, en gros, pour rendre hommage à Dr. J, il a repris le nom de Docteur. C'est devenu Dr. Dre. Petite anecdote, par la suite, très soucieux de sa réputation dans le monde des affaires, Dr. Dre a tenté d'empêcher un certain Dr. Dre, D-R-A-I, gynécologue de profession, de faire déposer son nom en tant que marque. Alors, j'allais dire, moi je suis allé dans un cabinet médical dans le 19e et il y avait un Dr. Dre, D-R-E-Y. Ouais, ah, petite anecdote. Je croyais que c'était le vrai Dr. Dre. Non, ouais. Dans le 19e, ma foi. Voilà. À votre avis, Eminem? Ah bah, ah bah c'est, oui. Bah c'est Marshall Mathers, c'est ses initiales. Exactement. M&M. M&M, l'idée de... Non. T'as sa couleur de cheveux. Pas toi. Vous êtes sur des... Wow, putain, elle est immonde cette place. Oh ouais, elle n'a aucun goût. Non, non. Toi, t'as le Covid, par contre. C'est toi qui as le Covid, en fait. L'eau est atroce, on est d'accord. Ah on oui, va peut-être tous mourir. Ouais. Ouais. Pour moi, un prank de Grégory Guillotin. Depuis le début, il a pissé dans les tasses. oui. LL Cool J. Qui? LL Cool J. Ah, si. On fera des trucs après, genre Caris, tout ça. Non, mais même ça, je... J'écoute que Bob Dylan, oui, bon. Ah, si, je sais. Oh, tu peux nous le dire. Mais je le dis. Oui. Bah, le LL, c'est Lady Loves... Cool J, alors après Cool J. Bah en fait, il s'appelle James. Voilà, donc les initiales LL Cool J, Lady Love Cool James. Voilà. Très stylé. Rof, à votre avis. Ah, ça, je savais. Est-ce que ce sont des initiales de quelque chose? Oui, c'est des initiales. C'est... Donc vous ne pouvez pas trouver. Je t'accorde la bonne réponse, parce que vraiment, c'est très difficile. La réponse, c'est des initiales. Ben, non, mais je vais te dire les initiales de quoi c'est, mais il y a un, c'est deux, trois. Il y a cinq mots, donc tente-le. Alors, rue. Non. Richard. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait dans le public? Oh là là, il y a une main qui se lève? Une main, non. Je crois. Ah, il y a une main qui se lève. Ah. Rimmer original hardcore flow fluide. Oui, très bonne réponse. J'ai envie de dire que tu as la grande classe. Voilà. Oh, un grand mais monsieur. Il a changé de nom entre temps. Enfin, il a changé de nom. Il est resté Rof, mais il a changé d'initiale. Ah oui. Car dernièrement, il se fait appeler, donc toujours Rof, mais rimeur offensif honorant le fond et la forme. Ah, pas mal. Eh, pas mal. Pas mal. Ça lui va bien. Caris. Ah, vas-y, ça tu sais. Mais laissez-moi, enfin. Pas parce que je suis jeune. Caris. Dab, enfin. Sûrement le charisme, un truc comme ça. Très bonne même... réponse, très bonne c'est réponse. Ah ouais, c'est et ouais. En dabant. Oh là, elle dab en faisant du tango. C'est pour donner des trucs. Ah oui. Oh là là, c'est incroyable. Tiens, Patrick. C'est un mix de dab et de téléachat. Oui. Childish Gambino. Alors ça, je sais. Donald Glover. Je l'ai aussi. Mais bah, vas-y, Patrick. Patoche. Il a utilisé un logiciel de génération aléatoire de noms. De générateur. Alors, de générateur. De Wu-Tang. Du Wu-Tang. Genre, c'est le Mais alors, l'anecdote, c'est qu'à l'époque, sur Internet, il y avait deux sites qui étaient genre... Tu rentrais ton nom et ça te disait ton pseudo de rappeur du Wu-Tang. Et lui, il affirme que sur les deux sites, quand tu mets son nom, ça Akinator. Donnait Childish Gambino. Et donc, il y a forcément un des deux sites qui s'est adapté, en gros, qui a copié l'autre, en gros, une fois que le mec est devenu connu. Mais aucun des deux sites n'admet avoir copié sur l'autre, quoi. C'est voilà. Élise Lucet, pour moi, ça est en train de se passer. Vraiment, je sais que... Ouais, c'est fou. Mais alors, justement, ce fameux site... J'ai mis vos blases dedans. Oh ! Mais oui. Alors, sachez que depuis le début, là, vous dites, mais c'est Florent Bernard, c'est Flaubert. Non, je suis Midnight Menace. Donc, ça te va très bien. Voilà. Je suis Midnight Menace. Pour moi, t'es Batman, littéralement. Je le savais. C'est ça. Ouais. Pyjama, tu es Sorrowful Wanderer. Tu sais ce que ça veut dire ? J'aime pas. La vagabonde douloureuse. Douloureuse ? Ouais, vagabonde douloureuse. Mais en même temps, je porte énormément de sacs au quotidien. C'est donc ça. Soulful ? Sorrowful. Ah, sorrowful, oui. Excuse... Oui, pardon. Pardon, non, mais oh pardon. Wall Street English, excuse-moi. Ok. Patrick, il est très très bien, le ouais. Tiptoe Iron Todd. Je vais changer officiellement mon nom sur la carte d'identité. Le crapaud de fer sur la pointe des pieds. De ouais. Bah c'est tout moi. Et vraiment. Adrien Méniel, tu es Lazy Ass Hoodoo. Oh yeah. Lazy Ass. Ouais. Hoodoo. Et Hoodoo quoi? Je sais pas ce que c'est Hoodoo. D'accord. Lazy Ass Goudou, c'est. C'est toi. C'est toi. Ça me va. C'est toi. Alors, nouvelle question. On est avec, du coup, Tiptoe Iron Todd. Chanté. Patrick, pas de patrouille, j'ai envie de dire, le chien fou d'anecdotes. J'en ai une pour vous. En 49, Staline a voulu espionner Mao Zedong. Alors, avant on n'est plus à Nantes. Bonne ambiance. Alors, on est parti de Nantes, ouais, je ne vous le cache pas. Ouais. On a pris un petit Thalys, là, ouais, je ne vous le cache pas. L'Orient Express. Oui, c'est vrai. C'est juste de la précision ouais. ferroviaire ouais, non, mais pardon je... Mais toi, t'es fou de train, je crois. Mais j'ai... Oui, c'est vrai. J'avais... L'Orient Express passait devant chez moi quand j'habitais dans le 18e. Oh, petit... oh, ouais. C'est un bonbon pour vous. Ça, vous ne le verrez pas dans l'IB. Hein. Non, par contre, vous ce verrez... portrait infâme qu'ils ont fait de nous. Et hey, verrez... j'y ai participé. Bah oui. C'est pas de ta faute. Tu hein. nous as pas aidés. Non, non, si, si. T'as ouais. dit quoi déjà dedans ah, oui. Ils m'ont demandé des trucs un peu perso sur vous. Et j'ai mais dit c'est que fou, vous hein avez gros, vu parce six que fois dans ma vie. Vous savez peut-être pas, mais Libé a fait un portrait de nous et moi je le trouve infâme. Non, bah, ben, moi je les trouve très précis. Vous appelez le chauve et l'hirsute. Oui, voilà. Voilà. Le chauve et l'hirsute. Mais vrai je précise, oui. au cas où. Non. Au début, ils disent l'insouciant et le soucieux. Tu fais ah oui, d'accord. Non, ouais, alors, non mais l'hirsute. Moi je suis pas d'accord déjà. Non, je suis pas mais... spécialement insouciant, genre bon. Non, mais par rapport à moi, oui. Oui, mais par rapport à toi. Oui, bah voilà. Et après, le chauve et l'hirsute. Juste deux insultes. Adrien et Florent, la merde et le con. Oui, bah ça va, on redescend, Libé. Doucement, Libé. Hein. Mollo, Libé. Ils sont jaloux, je pense. De bah, toute façon, les rageux maigrissent hein, quand ils parlent de nous. Donc, ouais. Déjà, les blagues sur les chauves, moi, je trouve ça vraiment nul, personnellement. C'est clair. Quel âge ont ces personnes ouais. Donc, en 1949, Staline a voulu espionner Mao Zedong. Avant leur rencontre, savez-vous comment? Avec un animal avec une petite caméra sur la tête, trop mignon mais malin. En 49, je pense que c'était une... c'est un gros animal. Quoi. C'est vraiment, c'est. Donc on n'est pas sur c'est des un animaux. Buffle. On n'est pas sur des animaux. Ok. Une personne, il a envoyé quelqu'un? Pas quelqu'un. TikTok. Un animal. On y revient. Oui, TikTok. C'est peut-être pas c'est ça. C'est une blague anachronique. Alors attends, on est ni sur un animal ni sur une personne. Ni sur un végétal. D'accord. Un insecte. Donc, est-ce que c'est quelque chose de technologique, un robot? Pas un robot. Un non, automate. Mais on est un peu sur quelque chose de technologique. Technologique. Une bagnole. Un téléphone non. allumé. Non. Continue. Ce serait décevant comme réponse à vous. Ça mais... arrive. Hein. Donc c'est quelque chose qui aurait été placé à proximité de Mao. Exactement. D'accord. Un truc qui enregistre? Pas un truc qui enregistre, pas du tout. Un objet du quotidien. Dans lequel il y avait un micro? Pas de micro. Bah non, c'est oui. Non, justement, c'est ça qui est un peu foufou. Simplement une tasse, mais une simple tasse. Donc ça n'a pas marché. Mais elle enregistre votre tasse? Non, j'ai pas. Une longue bah, ça... vue. Pas une longue vue, pas une tasse. Avec de l'eau dedans. C'est deux gobelets avec et un ouais. très long fil comme ça. C'est ça, je pense. Jusqu'en Russie, et vous êtes. Putain, là, il dit un truc de ouf là. Ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas ça. Ça n'enregistre rien parce que je comprends le côté espionnage. On se dit tout de suite. Donc même pas de photos. Ça prenait pas d'image. Non. C'est non. pas quelqu'un. C'est pas quoi? C'est pas quelqu'un. Non, ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est quelque... Attends. Non, t'énerve pas. Non. Écoutez, je vous ai laissé parler. Non, mais ça s'imprègne de quelque chose quand même. Non, ça enregistre voulais... d'une façon ou d'une autre. Fabrice vous voulez espionner sans hein enregistrer ni de pas limité. Ni... Je sais absolument pas limité. Il est parti sur un Luchini. Ouais. Mais en freestyle, quoi, un petit wow, peu. Ouais. Luchini. Donc il voulait espionner sans enregistrer ni de son ni d'image. En récupérant des choses. Ah, une poubelle. Pas une poubelle. Une corbeille et récupère. Pauline. Slip, caca. Alors. Sperme. Oui, bon. Voilà. Toutes les cases sont cochées. Le footcast. Ce footcast est terminé. Voilà. Le bingo est rempli. C'est vraiment sur les sites internet champ lexical du floodcast. Bah, je sais pas. Sperme, caca. Le chauve et l'hirsute, caca, ouais. sperme. Alors, c'est ça, mais je demande une réponse plus précise parce que si c'est juste hurler caca, c'est la réponse il de trois quarts. Des chiottes. Des chiottes et il a dit... À quoi servent ces chiottes? À récupérer sa merde. Oui. Mais attends... Bon, c'est Dr. Dre, le gars ou... Non, pardon. Mais c'est moi qui ai gagné. Oui, c'est toi qui a gagné. Oui. Non, mais je demandais une précise. Non. Bah, c'est comme quand tu passes derrière moi et tu fais genre c'est moi qui ai ouvert le couvercle. Bah, ça n'est jamais arrivé. Et c'est toi et tu dis c'est moi alors que c'était moi. Ouais, on peut dire aussi que c'est un effort commun, mais apparemment il faut qu'il y ait un gagnant. Ou une gagnante, peut-être. Ça, c'est la France. Pour une fois. C'est la France. Donc non, ce qui s'est passé, en 1949, Mao Zedong a vaincu les nationalistes de Chiang Kai-shek et proclamé la République populaire de Chine. ce qu'on savait tous. Vraiment. Bien sûr. Fin décembre, le leader communiste se rend en URSS pour rencontrer Staline. Suspicieux, Staline se montre distant, voire hautain. Il va jusqu'à demander à ses services secrets de faire examiner à son insu. Voire désagréable. Ça va faire un peu distant. Dis donc. Un peu dans sa bulle, comme Diabs. Staline, jamais un coucou. Sur ronchon. Sur son paillasson, même pas écrit bienvenue. Enfin, je sais pas. Pince sans rire. Et en gros, il va jusqu'à demander à ses services secrets de faire examiner à son insu les excréments du dirigeant chinois. Quelle info il voulait récupérer ? J'y viens. L'URSS ne disposait pas de dispositif d'écoute qu'ils ont aujourd'hui. C'est pourquoi nos spécialistes ont imaginé les moyens les plus extravagants d'extraire des informations sur une personne. Ouais. Par exemple, si dans le caca, il détectait des niveaux élevés d'acide aminé tryptophane. Ouais. Fan. On fera s'ils se dopaient. Pascal Obispo, fan. Ils en concluaient que la personne était calme et accessible. Mais un manque de potassium était considéré comme le signe de troubles nerveux et d'une personne souffrant d'insomnie. Okay. Donc, quoi. La personne qui a soumis cette idée, vraiment, ils n'avaient aucune. On peut mettre un micro ? Bah non, une caméra. Si on peut. Sa merde, on récupère sa merde. Ok. C'est le même gars que Nantes, hein. C'est le même gars de. Ouais. Ça, bah, ils se sont dit maintenant, on va donner 1400 euros aux gens. Comme ça, on aura plus de chances de récupérer des infos. Non, mais voilà, c'est une technique pour vérifier s'il était stressé, à l'aise. Ça a porté ses fruits ? Pas des masses. Non, on ne connaît pas vraiment le résultat. C'est une méthode de poker aussi. Patrick Bruel fait ça avant de jouer au poker. Il étudie la merde des gens. Alors, oh, stressé ça. Il bluffe. Patrick Brumerde, ouais. Ouais. Bien sûr. Cachier la voix ? Non, je sais pas. Oh. Allez. Place des grandes merdes. Place des grandes chiasses. C'est vraiment. Non. Qui a le droit d'y arriver ? Est-ce que vous avez vu la vidéo ? Alors, on est immature, Libé ? Je parlerai pas. C'est qui le chauve ? Ouais. Oh, j'avais une petite anecdote sur Coolio. Oh là là ! 10 heures après. À la bourre, mais... Non, elle est très rapide. Oh, on fera du montage, ne vous inquiétez pas. Ouais. Je sais pas si vous saviez, mais il était en couple avec Afida Turner. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Enfin, à une époque, pas là, ça ment. Bien sûr. Non. Sinon, bah, c'est bizarre. Oui. De quoi ? Et elle a mis beaucoup de photos là récemment avec Coolio, où elle est très retouchée d'ailleurs. Bah oui, bah, écoute, sur Photoshop. Ah d'accord, ok. Et dans la vraie vie. Oui. Et dans la vraie vie. Oui, bah écoute, elle fait ce qu'elle veut. Oh, excusez-moi, pardon. Alors attendez, à ma droite, j'ai l'impression d'avoir un mec qui n'a aucune construction. Alors, aucune poutre apparente. C'est ça. Visible sur ma personne. Non, mais le sol là, il est meuble encore. Il y a je suis parfaitement déconstruit. Savez-vous ce qu'est le vabbing ? Le vabbing ? Ce n'est pas le vabbing amazing, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est faire exercices de fumée avec une clope électronique. Alors, tu avec non, son t'es cul pas caca. Si non, mais c'est pas... C'est... Ah putain, je crois que je sais. Dis-nous. Non, si, je sais. Mais je vais pas le dire. J'ai comme l'impression que t'as eu toutes les réponses à la fois. Tricheur. Je m'intéresse à des trucs très très stylés, comme tu vas voir. Vapping, donc est-ce qu'on a une petite référence au vapping ? Non, pas spécialement. C'est la contraction de... De deux mots. De deux mots. Et vab, c'est pas un mot. Non, c'est pour ça que j'ai dit deux. Quoi là ? Patrick, c'est pas cool. J'avoue que tu devrais faire une petite blague sur les chauves, là, pour te venger ça un petit peu. Ouais, tout ça. Je sais que ça va m'arriver un jour et ça me tente plus trop. Après, c'est pas non plus si grave. Non. Bruce Alors, Willis. Enfin, est-ce que, c'est mon seul exemple. Est-ce que c'est lié à la danse ? Ce n'est pas lié à la danse. Ok. Concentrez-vous sur la première syllabe, ça va vous mettre sur la voie, si je peux me permettre, Florent. Bien, écoute. Je suis co-host. Hein. Bah, c'est ça. Tu es le chauve. Je suis l'hirsute. Tu es l'hirsute. À nous deux. Je suis permis de prendre la place de l'hirsute. À nous deux. Nous sommes une fable de La Fontaine. Va. C'est pas juvamine. Ouais. Attends, mais on est d'accord que la première syllabe, elle est en anglais. C'est pas un mot français, la contraction. Non, mais c'est presque le même mot dans les deux langues. Ah oui. Il pense aussi que c'est le floodcast. Vagin. Alors, ouais. On approche. Ah bah là, tu m'as éclairé d'un seul coup. Ah, c'est se muscler, muscler le non. vagin. Non, c'est non. bizarre ça. Non, c'est plutôt un truc de bien-être. Pense à Maison du Monde. Pense à se mettre une pierre salée dans le vagin. Pierre salée. Oh, attends. Tu sais, les lampes salées. Là. Alors attends. Non, c'est pas ça. Des lampes à lave comme ça. Dans le... Ouais. Avec tes règles. Tu mets de lampe halogène derrière. Attention, ça peut vraiment marcher. Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas de faire des bougies odorantes ? Non. à base de sécrétion vaginale. C'est non, mais on n'est pas si éloigné. Mais pas loin. Mais en plus, je suis sûr que ça existe. Mais oui, ça existe, c'est Gwyneth Paltrow. J'en ai une à la maison. On avait parlé, Gwyneth Paltrow vendait des bougies odeur de chatte. Et pas de ah si, tu savais où t'entrais. J'en suis. C'est mettre Chandler Bing dans sa chatte. Non. Donc ça, c'est pas ça. Mais on est encore sur un titre. C'est fou. Rechercher des vagins sur Bing, ouais. Le moteur de recherche. On a eu Cadmérade dans le cul tout à l'heure. J'adore mettre des célébrités moi dans des endroits dans obscurs. Dans des orifices. Il y a du monde dans ce corps. Hein, dites-moi. On s'y bouscule. La Bing. Écoutez, rien à voir avec le parfum. Bah un peu si. Un petit peu. Si si, même totalement en vrai. Ouais. Ah donc c'est pas une bougie, mais c'est peut-être récupérer des odorants à l'intérieur de cela. Oui. Quand tu dis cela, le vagin. Oui. Oui le vagin. Voilà. C'est cela. C'est oui. Pour le tout monde soit. Ouais. Donc récupérer des extraits de vagin ouais. Pour en faire du savon. Ouais, alors, on n'est pas loin. J'ai envie de l'accorder. On est oui, autour. C'est un peu ça. Adrien. C'est en gros se tamponner comme on ferait pour. Enfin, c'est se tamponner avec sa cyprine en fait. Voilà, c'est comme chez Sephora un petit genre, peu. Hop là, un peu ici là. Oui, oui, très bien. Je vais hop là. Ah d'accord. Et tu fais ça le matin. Et mais c'est pas pour par dire rapport aux gens, phéromones, tout ça, je y a pas... sens la baise. Oui, c'est ça. Alors, pas forcément d'ailleurs. Ouais. Je vais vous expliquer. Le terme avait été lancé par une auditrice du podcast américain Secret Keepers Club en 2018 et est ressorti sur TikTok dans les dernières semaines. Le but, attirer de potentiels partenaires dans son lit avec ce parfum maison dit enivrant, car nous sommes visiblement des singes. Visiblement. Bah oui, oui. Oh, il reste des animaux. Non. Le phénomène popularisé sur la plateforme de TikTok implique donc une auto-cueillette du nectar. Oh! Très très belle façon de c'est dire ça. C'est la chatte. Non mais dès qu'on parle des femmes, c'est genre les fleurs, oui. La senteur bougie. Et pas ici, comme quoi, on est vachement déconstruits. Ah, ouais, ça sent la chatte, putain. Ouais. Et bon, idéalement avec ses doigts, bon soit visiblement, peut-être une cuillère, j'en sais rien, dans le but de la réappliquer sur la peau à la une cuillère à café. Ah c'était ça la cuillère. J'étais pas sur une louche. Gilles Lelouch dans la chatte. Ah ouais. J'adore. Mais oui. Mais t'as trouvé un running gag excellent, écoute. Heureusement que Pierre Nine n'est pas là. Non. Je l'appelle Pierre Nine, moi, maintenant. Enfin, pas le temps de dire la dernière lettre. dans le but de l'appliquer, donc oui, sur divers endroits, comme la nuque et les poignets. Va la pour nuque, vagin. Vraiment, ouais, c'est ce que j'ai dit littéralement. L'attrait résiderait surtout dans les fonctions phéromonales de ces sécrétions, parce que oui, selon les adeptes, le liquide vaginal comprendrait des phéromones. Quelques médecins... Oui. Internationaux ont mis en garde les adeptes. Le gynécologue Parkveski Dimitraldi. Il est russe, pas italien. Hein. Ouais. A affirmé en entrevue avec le Daily Mail, déjà je pense qu'il a dit d'où vous me dérangez pour ça, je pense, que le vaping pouvait créer des infections et même de sérieuses lésions cutanées. Si vous voulez tout de même tenter la chose, les pros appellent à la prudence et conseillent à tout au moins un petit lavage des mains au préalable. Voilà. Tout bonnement. De comment ça? Bah pour pas se mettre des trucs dans le. Enfin, tu vois. Oui, se laver après, les gens se masturbent. Ils ont moi, je me lave toujours les mains. Ça, généralement. Bah, ils se lavent peut-être pas les mains, t'en sais rien. Oui, peut-être. Tu vois, moi, j'ai vu ça dans le métro. C'est tellement cette pratique-là en particulier qui est dangereuse. Est-ce qu'on part sur un débat, là, par rapport au. Bon, écoutez. Qui se lave les mains avant de se doigter dans la salle? Applaudissements. Qui Non, mais c'est du mansplaining pour moi, voilà, tout simplement. Tout. Putain, mais. Donc, Il n'y a pas un seul clou dans aucune cette poutre. Cette eau va me tuer, tu comprends? Elle va me tuer, cette eau. Vous allez voir, je vais faire une transition. Bon, là, je fais un petit virage. Est-ce que vous avez déjà cédé à des modes, vous? Donc, pas forcément de se mettre du sperme dans les sourcils, mais en tout cas. Ou Hellfest, ça se fait, hein. T'as dit quoi? Au Hellfest, ça se fait. Involontairement. Mais... Petite anecdote Hellfest. Hydratez-vous quand vous allez au Hellfest, ouais. D'ailleurs. Petite anecdote Hellfest. J'y suis allé une fois et on m'a pissé dessus. Voilà. Je peux pas vous dire mieux. Ah non, mais je ne peux pas vous dire mieux. C'est comme ça qu'on dit bonjour là-bas. Ouais. Enfin, c'était une attraction, c'était un stand. Tu t'y allais, t'as payé, mec, tu savais à quoi t'attendre. Il y a la grande roue et bon, la douche à pisse. Voilà. Non, mais je me suis fait réveiller, j'étais dans ma tente. Déjà, c'est horrible le camping parce que, encore une fois... Inceste. Non. Peut-être. Non, mais là, c'est pour le jeu de mots, vous voyez pas du trash. Jean-Hugues Anglade dans ta tente, non, je sais pas. Et donc, c'est horrible le camping parce que des gens hurlent toute la nuit. Alors, évidemment, vous allez me dire, oh, tu vas pas aller le fesses pour bien dormir. Je suis pas cool, ok? Donc, moi, j'aime bien. Je fais écouter, il y a du gros son toute la journée. Je ne suis pas coolio, effectivement. Il y a du gros son toute la journée, laissez-moi dormir. Et je me suis fait réveiller à 5h du mat où déjà il faisait chaud parce que la nuit il fait très froid, mais dès que le soleil se lève, on crève de chaud. Et par un gars qui m'a pissé dessus dans ma tente. Pas sur sa tente, quoi, mais c'est, ça filtrait un peu, j'imagine. Ça filtrait, mais enfin, ça reste une un spectacle. Brume de pisse, quoi. Oui, voilà. Brume de pisse. Un désodorisant. Ouais, enfin, voilà. Tu sais, les petites bouteilles Evian l'été. Ouais. Comme ça. Bah, en même temps, il faisait chaud, de quoi tu te plains? Oui, c'est vrai, il faisait très chaud. Le mec était sympa. Merci à lui, d'ailleurs. Il était tout simplement sympa, ce mec. Et tu lui as dit. Apéro, je lui ai dit apéro. Ouais. Moi, de ce que j'ai compris, il faut dire ça, hein, de toute façon. Donc, j'ai pas essayé de dire d'autres termes. Point d'interrogation. Apéro ou apéro? Au dernier Hellfest, il s'est passé un truc assez marrant. Bah, j'imagine que parmi vous, il y en a qui étaient présents au Hellfest. Qui était au Hellfest cette année? Waouh! Ok. Comme quoi, on a plein de préjugés. Ouais, on est sur un public de métal. Pardon. Bon, donc, qui écoute Booba? Oui, voilà, non plus. Ouais, ouais. Quand même, non, mais quand même, ça reste. On a qui au moins... déteste se manifester devant un public? Tout le monde? Ok. C'est juste ça. Ouais, ce serait très logique. Qui est extrêmement timide et réservé? Ok, tout le monde, c'est bon. Donc il y a un groupe de black metal qui est réputé pour se verser du sang de porc avant les concerts. Et donc là, au Hellfest, on leur a expliqué que... Ça s'appelle Trio, le groupe. Voilà, tailler... on le sait pas. C'est l'hymne de nos campagnes, ah, pardon. Bah, c'est nos campagnes. Là, si tu n'y es jamais allé, tu le sais pas. Mais quand tu y es, t'es surpris, tu fais pas. Cette année, l'orga du Hellfest leur a dit « Si on pouvait éviter le sang de porc, nous, on préférerait. » Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le chanteur est arrivé sur scène, il a allumé une torche et il a jeté dans la foule. Et comme c'est des fans de black metal, ils étaient ravis, mais c'est vraiment arrivé. Donc, mais voilà. Quand tu dis des fans de black metal, ça restait des gros nounours, rassure-moi. Bien sûr, ouais. Évidemment. Non mais ça va, heureusement. Tout attends, va. Si tu tombes, ils te ramassent les mecs. Oui, non mais... C'est hyper bienveillant. T'as vu le gars en fauteuil roulant? Juste normal. Juste des gens normaux. La politesse, vraiment. Ouais. Ce qui pourrait être piétiné. Pas oui, des ce serait horrible. Ouais, c'est ça. Non, est-ce que vous avez déjà du coup cédé à des modes tectoniques, non, peut-être? Personne n'a fait de la tectonique? Non, non. Non. Patrick, le t-shirt palmier, déjà. C'est déjà, vrai. Moi j'y suis actuellement, là. Je suis dans un personnage de GTA, palmier. Pour moi. Voilà. Non, une mode... je sais... T'as j'étais la un énorme ringard toute ma vie, donc... Oui, mais t'avais la veste en jean avec des patchs. C'était vraiment pas la mode du tout. Et ah ouais, c'était pas la mode. C'était un truc ringard. De hardos, c'était ringard à l'époque. Mais bon, déjà. À ton époque, je pensais que les hardos c'était la mode un peu. C'était... Non, non, mais... non, vraiment non. Ah ok. Non, hélas, non, pas du tout. Ah ok, je pensais. Ah oui, donc t'étais un ringard. Ah oui. Ah non, mais depuis tout petit. Hein. Ça n'a jamais évolué. Ah hein. Non, mais attention, fidèle à mes couleurs. tu tapotes des doigts, je sens que t'étais dans une t'as mode. T'as un truc. Non, mais c'est pas. Arrête. Arrêtez, c'est pas fou. Mais quand j'avais 16 ans, du coup, j'ai été invitée au monde de la rave party. Ah. Et je me suis donc rasée le dessous du crâne. Bien sûr. Et j'ai mis des leggings Galaxy, des Rangers, et ainsi que des t-shirts extrêmement ouverts sur le côté, qui va jusqu'à la... Il y a quelqu'un qui a fait « Oh là là voilà. !» Et on t'a pas vu ta gueule, toi, à 16 ans. Autant c'est quand... le notaire, c'est le notaire. C'est autant le notaire, quand elle avait 4 mérades dans le cul, ça va, mais là, vraiment, non, là, mollo, là. C'est bon. Non, mais voilà, c'est le seul truc où quand je revois les photos, je suis là, genre, d'ailleurs, la personnalité photos, de merde. Non. Je plaisante, bien sûr. Bien sûr que non. Mais moi, les looks, ça pareil, c'est très, très ringard, mais j'ai quand même tenté le slim, moi. Et non, pas le corps pour ça, malheureusement. Oh, plus ou moins cheval. Mais non, mais des pantalons, ça va. Non, mais vous visualisez le cul d'un cheval? C'est ça, c'était vraiment littéralement ça. J'avais littéralement deux sabots pour ma défense. Ah. Je mettais pas des Converse, je mettais des sabots. D'accord. Non, mais c'était très moulant et j'avais pas la physionomie pour mettre des slims. Mais surtout, je n'avais pas envie, je le faisais juste parce que c'était la mode. Et au niveau des cheveux, t'as déjà eu des sortes de mèches un peu genre Tokyo Hotel? Non, moi j'ai toujours eu cette chiasse, plus ou moins. Je l'ai laissé pousser très longtemps, ce qui me faisait des espèces de papillotes de rabbin, au bout d'un moment, quand il pleuvait. Appropriation culturelle, clairement. C'est ça, hélas. Déjà cancel à l'époque. Et en fait, surtout, je les gardais là pour cacher la fameuse technique adolescente. Je cache l'acné boutons. Avec les cheveux. Et évidemment, quand tu lèves les cheveux, une sorte de terrain miné. De... Legging de... Tableau de bord. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. toi, Patrick, non, tu n'avais pas une. Bah écoute, j'ai eu. T'es quelle génération, Patrick, sans dire ton âge? Génération de mon nom, je crois. Déjà Parce que toi, ouais, tu te la racontes, oui, tu décodes. Ouais, mais c'est pas l'école qui t'a dicté tes codes, non, j'ai l'impression. Moi, si je peux me permettre. Non, mais moi, on m'a dit que t'aimais le rap, donc. Ouais. Non, mais moi, je suis qu'une boulette à la base. Donc, Non, d'accord. Bien. On a littéralement fait le concept horrible de Combini. Ouais. Oh, ouais. Non. Oh merde, j'ai honte. Non. C'est pas ta faute. Ah, non, c'est une autre chanson, ça. Donc, c'est Alizé, ça. Écoute, j'étais adolescent dans les années 90 et j'ai eu ma phase métal, absolument. Et j'ai essayé de me faire pousser les cheveux, mais ça n'a jamais dépassé ce stade. Ah oui, c'était assez dégueulasse. Ta fameuse parodie de ouais. X-Files. Donc, tu avais fois, j'avais un petit catogan ignoble. Ah, le catogan, oui. Ça n'a pas duré très à la Steven Seagal, un petit peu. Ouais, exactement. Ouais, mais un petit côté Steven Seagal, Patrick. En même temps, il vient de Avignon. Oui. Seagal. Oh! Waouh! Je suis un peu déçu, Adrien. Là. Vraiment? Son album est disponible partout. C'est pyjama. Non, c'est vrai, il est disponible. C'est vrai. Oui, je te l'ai dit, achetez-le. Comment il s'appelle d'ailleurs? Seul sous ma frange. Une association propose un kit pour que les personnes âgées vivent mieux leur quotidien. À votre avis, en quoi consiste ce kit? Euthanasie. Non! Un kit pour comprendre les réseaux sociaux, les mèmes. Non, c'est pas non, ça. Non, mais c'était pas une blague, en fait. Est-ce que c'est pas une Wii, avec des Wiimotes? Non. Parce qu'ils font ça dans les maisons de retraite. Hein. Quoi? Ils jouent à la Wii? Ah, oui, ouais. Enfin, en tout cas, enfin, oui. Mais n'importe dans quel monde vis-tu, Patrick? Ah ouais? Je vis dans un EHPAD. Et on joue à la Wii, donc voilà. Et laissez-moi vous dire, entre slam et question pour un champion, petite partie de Wii. Allez, est-ce que Wii c'est sport, des trucs pour la surdité? Non. En fait, c'est un kit qui est plutôt... Un starter pack, hein, une sorte de starter pack. Oui, en fait, c'est pas un kit... plusieurs objets... Il y a plein de petits objets dedans. C'est ça. Okay. Mais c'est pas un kit qui est destiné pour aux personnes âgées directement, mais à leur entourage. Voilà. Ah. Voilà. Le même d'ailleurs. Oui, c'est le même de Koh-Lanta. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Ah, c'est marrant. Non mais voilà. Un autre même que je vous propose. On fera plusieurs mèmes pendant cette soirée. Ouais. Donc c'est pour les proches des personnes âgées, pour leur apporter du confort dans leur quotidien. Bah. Attends, il doit y avoir du caca. C'est non, pour pas du changer tout. Non, leur pas là. Couche à distance. Comme avec distance. Une fourche. un lance-pierre à recule, couche. Recule, vieille merde. Oui, pour qu'ils vivent mieux leur quotidien. Ouais, être traités comme plus ou moins des c'est animaux. C'est pour eux, d'accord. Ah, c'est pour les hydrater, genre quand il fait chaud, des trucs. Non, c'est pas. Enfin, cela dit, alors, dites. Non, il n'y a pas ça. Mais il y a un petit truc aussi en plus pour les aider au quotidien. Un petit ventilateur. Un petit délire. Du Viagra. Non, pas du Viagra. Donc c'est... L'idée n'est pas de branler des vieux. C'est un kit pour aider d'accord, l'entourage. C'est un kit vieux. Pour aider l'entourage à mieux s'occuper des personnes âgées. De nos personnes âgées, j'ai envie de dire. Nos seniors. Nos anciens. Nos seniors. Nos anciens. Un coupongle distant. Non. Toi, tu ne veux pas t'approcher d'un vieux. Bah, visiblement, ouais. Une haine viscérale dégoûte des vieux. Tu sais que ça ne se transmet pas, la vieillesse. C'est... Mais ils puent comme l'eau du flot de casse. Et ils sont chauves souvent, donc c'est de la merde à tes toute yeux. Toute graine. Non, est-ce que c'est un rapport avec la santé, la médecine un non. peu Non. Ce n'est pas pour recueillir leur merde et non ce non, pas... non, vraiment, la vous faire étudier par... éluder. Vous pouvez éluder la merde de cette question et je comprends que ce soit surprenant. Ça dans, me déçoit, dans mais faisons-le. un espèce de hologramme de Jean-Luc Mélenchon. Non, un hologramme pour parler avec eux, mais sans aller les voir. Bon. C'est pour être avec eux. Il n'y a que toi qui refuses de voir des vieux. Mais ce serait vraiment le futur. Oui. Ce serait fou d'utiliser. C'est FaceTime, en fait. Ce serait fou d'utiliser une telle technologie futuriste pour s'occuper de vieux. Ce serait vraiment décevant, je trouve. Donc ce n'est pas robot, ça. Hein, Macron, est-ce que c'est des figurines en carton de leurs proches pour qu'ils aient l'impression qu'on va les voir hein. Rien. Non, vous avez pas écouté la réponse de Patrick qui était des PLV de vos proches. Voilà. pour qu'ils aient l'impression qu'on des animatroniques. Ouais. Bonjour papy, raconte-moi encore l'histoire de l'épicier. Non, dites-vous qu'en fait c'est pas pour les EHPAD par exemple, c'est pour les gens dans les immeubles qui vivent avec des personnes âgées. Un jetpack. Attends, pour des gens qui vivent avec des personnes âgées. Dans leurs immeubles, dans les voisins. Ah, pour les voisins, pour leurs chers voisins. Oh, ouais. C'est genre un bouton d'urgence. T'appuies sur le bouton. Ah non, mais ça c'est pour les vieux eux-mêmes, ça. Oui, ça existe déjà, ouais. C'est pour les. Oui, c'est les voisins. Mon arrière-grand-père avait ça ne l'a pas sauvé. Merde, désolé. Pas de soucis. Je voulais balancer à la gueule. Un mégaphone pour leur parler. Pour faire morning light. Un babyphone. Non, pas un babyphone. Un vieux phone. Et tu les entends juste dire « Mais pourquoi c'est Samuel Etienne maintenant ? Il était bien, Julien Lepers !» Non, c'est toi, vieux phone. Non, je vais vous donner la réponse. Mais non, on va trouver. Laisse-nous. Bah, okay, on va prendre rien, mais... Est-ce que des gens l'ont dans le public, sinon, d'ailleurs, par hasard ? Sinon, donne des indices. qui sont sûrs d'eux, hein, parce que... Wow, non, personne n'est sûr de lui. Un petit ton un peu... Sinon, ils écouteraient mais non, pas mais donne, le podcast. Ce sont des objets... quoi ? Rien. Non, mais c'est... c'est pour communiquer avec les vieux ? D'une certaine manière. Un passe-plat ? Non, non, je vais vous dire... Adrien, pour moi, Adrien, là... Ah bon ? Sans doute pas, mais t'as envie de passer à la question suivante. C'est exactement ça. Non, le terme exact, c'est un kit pour devenir chasseur de solitude. C'est quoi ce... Wow. On dirait un ouais, nom ouais, de podcast. Un... Cela dit, ça m'intéresse. Oh non ! Je suis extrêmement seul dans ma vie. Ma belle. Continue, je t'en supplie. Le silence me blesse. Le kit ça sera sur le paillasson de chacun de mes voisins. dès demain. Dès dimanche. Le kit contient une carte postale qu'on met dans la boîte aux lettres de la vieille pour se présenter. Oui. C'est marqué comme ça dans l'article. Oui, respect. C'est surprenant. Je l'ai mis à ma sauce. Hein, oui, d'accord. Qui n'est pas une sauce notaire, qui est une sauce un peu à moi. C'est pour plaire à Pauline, qui est les vieux. Bonjour, je suis Florent, je suis chasseur de solitude. C'est ce qui est écrit sur le petit papier. Moi, je n'ouvre pas la porte, perso. Et il y a marqué, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez venir frapper chez moi. Et, exactement. Et je ferai semblant de ne pas être chez moi. Comme quand n'importe qui sonne chez moi. Je ne bougerai pas pendant une heure soit. Comme ça. Je fais la même chose. Une petite affichette avec plein de petits bouts de papier détachables pour que les vieux aient votre numéro de téléphone, un peu comme dans les boulangeries, là, tu sais, les trucs, voilà, ce que vous pouvez mettre dans votre hall. Et là, c'est peut-être ce qui me glace le plus le sang. Pour l'instant, c'est plutôt mignon. Oui, oui, mais c'est assez mignon. Et en même temps... Des cartes de discussion, si vous n'avez pas d'idée de sujet. Mais c'est bien, ouais. Je trouve. Pour les dates. Franchement, moi ça me servirait dans la vie, moi. Pétain, finalement, ce genre de discussion-là. Alors, vous avez vu la petite sirène, là, par exemple ouais. Mais moi, je voudrais bien ça dans la vie. Ça pourrait servir. T'as pas souvent de sujet de discussion ? Bah, disons qu'on tourne vite autour du sperme et de la merde, mais... Non, c'est non, par exemple, quelle est votre chanson préférée, votre plus beau souvenir, votre conseil aux jeunes, le problème avec les immigrés... Je plaisante sur le dernier. C'est une petite vague. Votre plus beau souvenir, en général, ils se souviennent de rien. Si, souvent, c'est le même. Alors, c'est le même pendant 25 ans. Peut-on creuser d'où vient cette haine viscérale des vieux qui t'anime ? C'est parce que j'ai pris le train aujourd'hui. Ah, et ouais, mais c'est la SNCF. Dans le train, on a vu c'est horrible. Est-ce qu'ils se mettent au milieu du couloir et ils attendent comme ça que quelqu'un leur dise où s'asseoir ? Oh non, mais la Paris-Go. Ah ouais, tu veux dire, ils sont perdus parce qu'ils sont en train de vieillir. Putain, les gros nuls. Moi, à partir de 60 ans, ils sont perdus dans la vie, trop nuls. Chacun ses goûts après merde. Après, il y a des vieux horribles quand même. Non, c'est sûr, aussi. Oh là voilà, c'est des choses qui arrivent. Moins horrible que cette eau que je m'apprête à boire. Qui a le goût d'un vieux d'ailleurs, plus ou moins. Oui. Voilà. Il y a un petit bonus, c'est ce que je te disais tout à l'heure, un petit ventilateur cet été. Alors, je trouve qu'on sort un peu du kit de solitude d'avoir un ventilo devant une vieille ou un vieux comme ça. Là, c'est quand tu lui parles et il commence à faire. Attends, continuez, on continue à parler. Attends, ça c'est si ton vieux est François Mitterrand. Oh. Wow. Adrien, j'ai une question pour toi. Est-ce qu'on est devenus des ringards quand. Tu dis Mitterrand, tu fais brrr, des gens applaudissent à tout rompre. Alors, moi, je suis juste pas d'accord sur le terme devenu, parce que à la manière de Hulk, j'ai toujours été ringard, moi, donc il y a aucun problème. Je l'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs. Moi, je suis dans ma zone de confort, de ringardise. Laissez-le, je suis dans ma zone, voilà, tout simplement. Il y aura un sachet de thé également, histoire de discuter autour d'une excellente un seul. Ouais, cool ça. Non mais alors, il faut savoir que c'est quand même un truc mis en place par les petites sœurs des pauvres. Donc c'est vraiment une association qui met ça en place, donc c'est plutôt joli, voilà. C'est non pas, mais c'est, moi, c'est pas une start-up qui essaie de faire du pognon. Voilà. Est-ce que vous avez, c'est quelque chose que vous pourriez faire en tout cas, échanger pas avec pour des les vieux. Je pense, alors, que, ouais, je pense qu'on a la réponse là. Patrick, toi, parce que je sais que tu es féru, tu animes par exemple la veillée. Oh alors, il n'y a pas de vieux. Il y en a eu, il y en a eu deux, trois. Il n'y a plus y avoir des vieux. Il n'y a plus y avoir des vieux. Si, c'est des gens qui sont vieux maintenant. À l'époque, ils étaient jeunes, peut-être. Oui. Mais la veillée, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux expliquer d'ailleurs. Bah, la veillée, c'est un spectacle qu'on organise avec mon camarade Damien Maric depuis 2015 au théâtre Tristan Bernard à Paris. Et le principe, c'est de proposer à des gens de venir sur scène pour raconter une histoire personnelle, une histoire étonnante de préférence. Insolite parfois. Et voilà. Et donc, bah, merci de me donner l'opportunité d'en parler. Mais le livre existe d'ailleurs. Voilà, okay, bon, Jack Mimoun dans les salles le 12 octobre. Oh. Allons-y. Que, ouais, alors là, j'allais pas du tout en parler. Les bénéfices du livre de la veillée sont reversés au Secours Populaire. Waouh. Wow. Alors, attends, n'applaudis pas, ils êtes des vieux. Hein. Pardon, vous êtes des attends. Vieux, donc, attends, oui. Les entrées de Jack Mimoun reviennent à Pathé Distribution, ainsi que moi. Wow. Je ne fais rien qui génère de l'argent. Ouais. Ça va les gauchos? Je plaisante, il y a cette tournée et le merch. Ouais. On s'en met plein les fouilles. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, alors, ouais, le merch, ouais. Allez-y. Non, pourquoi je te dis ça? Parce que du coup, je te connais maintenant depuis quelques années, tu as cette passion de l'anecdote. Tu aimes écouter les gens raconter des trucs. Est-ce que c'est quelque chose que tu as depuis tout petit? Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu? Est-ce que tu as eu des raconteurs d'histoires dans ton entourage? Écoute, c'est quelque chose que j'ai depuis toujours. En tout cas, j'ai le goût de l'étonnement. J'ai le goût de l'anecdote, oui. Et j'ai beaucoup de chance aujourd'hui d'en avoir fait mon métier, de raconter des trucs un petit peu étonnants. Et en même temps, j'essaie de deviner où tu essaies de m'emmener. Non, rien, non, mais... tout n'est pas un piège, Patrick. Parce que je suis sur mes gardes. Parce qu'en 2014, tu as dit au sujet d'une blackface. Non, mais autant crever l'abcès tout de suite. Ça, c'est fait, voilà. Ouais. Non, mais par exemple, ce goût que tu as, est-ce que c'est quelque chose... Alors, on va pas te dévoiler ta vie privée, mais tu as un enfant en bas âge. Est-ce que tu lui racontes des histoires? Est-ce que c'est quelque chose... Pas encore, il a petit, deux ans. Ouais, mais déjà, le cerveau, tu pourrais quand même dire mais des trucs. Mais d'ici un an, je pense que je vais le harceler d'histoire. Ouais, tu vas le dégoûter à vue. Oui, il n'aura pas le choix. Touche à la narration. Ah, mais c'est clair. À tout ce qui est insolite. Il dit, non, mais raconte-moi vraiment des modes d'emploi de bagnole. Marc Dutroux. Adolescent, il aura la... T'as dit Marc Dutroux? Non. Quel rapport? C'est vraiment... Pauline, t'es vraiment la Lafouine du podcast. Tu fais des hashtags à la fin. Marc Dutroux. D'habitude, vous m'ignorez. Et juste les gens, quand ils écoutent l'épisode, ils me disent « Ah, j'ai entendu quand t'as dit Marc Dutroux. » C'était top. Et après, on n'a rien à se dire, par contre. Mais ouais, je pense que quand il sera adolescent, il aura la même haine pour les anecdotes que Pauline pour les vieux. Sans doute. Tout simplement. Mais c'est vrai, quand tu développes un peu, des fois, là, moi, mon père était fasciné par le jardinage. Le djembé. Et le djembé, bien sûr. Et c'est vrai que du coup, tout ce qui est plantes et tout, je brûle des plantes le week-end, c'est vous dire. Non, mais lui aussi, il brûlait des plantes, ton gars. De la ganja. Bam, bam, bam, bam. Allez, oh là, les joints qui fumaient. Ah, il fumait, mais alors, la moquette. Fais tourner la salade. Il y a du monde sur la corde à linge. Il a reniflé après. NTM. Toi, Adrien, est-ce que tu as eu croisé des raconteurs d'histoires dans ta vie? Est-ce que tu aimes raconter des histoires? Parce que tu es auteur, tout simplement. Donc, Clémentine Autain, là où tu es né. C'est vrai, tout se recoupe. Voilà. C'est Nolan pour moi, Christopher Nolan. Non, est-ce que c'est ce truc que t'as animé depuis toujours ou est-ce que c'est plutôt... Moi, j'étais un enfant qui s'ennuyait beaucoup, donc je pense que je me racontais des histoires. Avec mes G.I. Joe, on en parlait, tu disais que toi aussi tu jouais, donc je faisais des histoires avec mes G.I. Joe et tout, mais sinon il n'y avait pas tellement de raconteurs d'histoires dans mon entourage. Oui Patrick, qu'est-ce que si tu je veux peux me permettre, quoi, là, j'ai vu que G.I. Joe va sortir une gamme... Mais quel rapport avec ce que je dis? Pardon. Pardon. Beaucoup de... Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. C'est ça qu'il faut faire au mieux. C'est ça qu'il faut faire au mieux. Non, mais c'était un énervement légitime. Je comprends. Mais j'ai vu donc que G.I. Joe va sortir une gamme, c'est là que tu recris, une gamme de figurines avec ton propre visage. Quoi? Ouais. Je n'ai qu'une hâte. Je suis un peu à fleur de peau. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'avoir mon petit soldat Adrien Méniel, tout simplement. Ah oui. J'en ai un, un peu moi. Bizarre. Ah oui. Putain, mais je peux te le donner. Non, il y a quelqu'un qui m'a fait une figurine. Mais il a customisé un G.I. Joe qui existait. Là, tu peux carrément faire fabriquer par la compagnie officielle ta figurine. C'est fou parce que ça pourrait être un jouet mignon si ce n'était pas des soldats. J'aimerais vraiment mettre ton visage sur un truc avec une mitraillette. T'es pas obligé. Peut-être il peut avoir une raquette. Une raquette. Imagine all the people. Patrick le poney, alors qui n'est pas Patrick Beau, qui est un autre, ce n'est pas un surnom. Parce qu'on avait le chevaux. Tu m'as choqué, je me dis, mais tu me traites de poney comme ça. Non, ce n'est pas ton petit entre surnom, Patrick. Le fromage. Patrick le poney est un poney entre qui. Il a dit entre la poire et le fromage. Patrick le poney est un poney qui dérange. Il bouscule les puissants. À votre avis, pourquoi? Il chie sur des photos de d'hommes politiques. Non. Je sais pas. Ah oui, tu disais, où va-t-il avec ça? Non, mais parce que j'ai vu beaucoup dans la rue de la merde avec des photos d'hommes politiques dedans. Vous avez vu ça ou c'est que non, à Paris? Ouais. Non. Genre, il y avait des merdes de chiens ou de que sais-je avec des merdes, des photos. Des petits drapeaux avec des Darmanins. Non, des photos genre de Zemmour, de Macron et tout dans la merde. Et je me disais, qui prévoit de faire chier son chien, de découper une petite photo. Bah, après, c'est pas ça qui manque, les merdes à Paris. Peut-être que c'est quelqu'un juste qui, quand il croise une merde, allez, une petite photo, je sais pas. Parce qu'elles étaient déjà là, effectivement. Ah, donc c'est le chien qui chie, je crois que c'était un vrai humain. Mais tu dis, il faut vraiment tout est possible. Moi, j'ai pas analysé la merde comme les Nantais. Comme Dr. Dre. Je suis pas allé jusque-là, mais en tout cas, j'ai vu ça. Et j'ai pas fait de story parce que je me suis dit, le mec veut qu'on fasse une story et ça m'énerve. Et après, Adrien va critiquer la story. Donc... Non, mais ça va, c'est ma fête ou quoi? Oui, c'était le 8 septembre et personne ne me l'a souhaité. Donc Patrick, fait, le 8 septembre. T'es balance. Oh. Ouais, je suis. Bah, c'est les signes astrologiques basés sur la fête. Non, mais parce que. Il l'a vu. Regardez-le. À Montréal, on dit la fête de quelqu'un, c'est l'anniversaire de quelqu'un. Ouais, ouais. Et comme j'y vis. Waouh, t'es venu en avion ou en char à voile? Non, je suis venu en train de vieux. Ah, mais oui. Patrick Le Poney, oui, dérange les puissants. Voilà, quand il parle du président, il dit Macrotte. Il a écrit une lettre au président. Emmanuel Macrotte. Emmanuel Macrotte. Est-ce que c'est. J'imagine qu'il est exploité par des humains. C'est pas lui de lui-même qui. Non, d'une certaine manière. Met des coups de pied dans la fourmilière. Non, là, quand je dis qu'il bouscule les puissants, c'est parce qu'il lui est arrivé quelque chose. Est-ce qu'il bouscule littéralement des puissants? Ils l'ont lâché à l'Élysée. Ouais, doucement, là, pas parce que vous êtes un poney. Il a mis. Le métro, il y a tout le monde, monsieur le poney. Il a mis une petite ruade à un élu? Non, il n'a pas mis de ruade à un élu. Non, non, je vais vous dire. En gros, quand je dis qu'il bouscule les puissants, c'est parce qu'il lui est arrivé. Attention. C'est le même Zemmour. Il connaît tous les mêmes. J'adore les mêmes. Je m'en régale. Non, il lui est arrivé quelque chose qui, quand même, dérange d'autres gens. Donc, il n'a pas fait de lui-même quelque chose pour déranger les puissants, mais ce qui lui est arrivé dérange les puissants. Il a été, lacéré par Nagui. Non, pour vous dire, ça se passe dans la petite ville de Conington, en Angleterre. Ah, ça vous êtes bien. Bah, oui. En vérité, oui, c'est dans une ville. C'est par rapport au Brexit. C'est Patrick qui a fait ça. Oui, c'est par rapport au Brexit. Alors, ce n'est pas par rapport au Brexit. Il est sorti dans la rue. Il est sorti dans la rue, mais pour une raison. Pour manifester contre le mariage homosexuel. Non. C'est un poney. Le poney est presque aussi déconstruit qu'Adrien. C'est te dire à quel point. J'en doute. Non, je vais vous dire, il a été élu maire. Ah oui. Oh. Sauf que problème. En 2020, il lorsque ne s'est pas parlé. Bah, ils se sont rendus compte. Très mal. Merde. Super con comme décision. Bah, au moins, il nous ment pas. À la différence de tous les politicards. En 2020, lorsque la pandémie de Covid-19 a commencé, le propriétaire de Patrick l'a emmené. Ça me fait très bizarre du coup. L'a emmené au pub. Je m'identifie totalement à ce poney là. À l'amener au pub du Drummond pour remonter le moral des clients. Cela a fonctionné et Patrick est devenu très populaire chez les gens du coin, à tel point que lors des dernières élections municipales, ils ont voté pour le poney, pour les représenter symboliquement. Une cérémonie d'investiture a même eu lieu le 23 juillet, présidée par le député local. Afin de permettre à Patrick de rencontrer ses fans, le propriétaire du Drummond Inn, devenu le pub de Patrick, qui est toujours un poney, hein, je vous le dis, a fait construire un enclos dans le jardin du bar. Une situation qui n'a absolument pas été du goût de tous. Une plainte a été déposée. Ce conseil est actuellement dirigé par une alliance contre le député qui a présidé l'investiture de Patrick Le Poney. J'écoute plus, moi. Tu m'as perdu. Hein. Malheureusement, je suis désolé. Rien j'étais dans... un enchaînement. Excusez-moi quand on parle pas de vous. Pardon, sans se déconnecter. Tu m'as perdu depuis Poney. Bon, en gros, parce qu'il a été élu, tous les candidats qui étaient contre lui étaient dégoûtés, donc ils essaient de brouter ce poney hors d'Angleterre. Le poney broute de l'herbe, mais personne ne broute le poney. Donc ils sont jaloux d'un poney. Ce qui est super bon pour l'image, généralement, jaloux d'un animal. Mais les débats devaient être marrants, quand même. Mais je crois qu'il n'y a même pas eu de débat, je pense que... C'était une blague, en fait. Ah, je sais. Parce qu'il ne parle pas, le poney, réfléchis, Pauline. Le champion mondial des échecs, Magnus Carlsen, est tombé face à l'Américain Hans Niemann, 19 ans et 43e joueur mondial. Je l'ai vu. Mais la victoire de ce dernier questionne et fait ressurgir une persistante rumeur de tricherie. Je l'ai vu. À votre avis, laquelle? Bah dites-moi. Je dis. Bah, tu peux dire. On le soupçonne. C'est soit tu sais, soit tu me dis, c'est trop long, j'écoute pas. Donc, bah, c'est ma fête encore, j'ai l'impression. C'est la bonne fête ou elle serait peut-être de trop? Non, on le soupçonne d'avoir. Comment? Edith, t'as une imitation d'Edith? Non. Un gros crapaud. Salut, c'est Edith de Préto. C'est la fête de trop. Ouais, un peu raté. On le refera un moment. Non, il est soupçonné d'avoir triché avec un appareil vibrant dans le cul. Exactement. Alors on parle plus d'Eddie de Préto, hein. On parle vraiment oui, du... Oui, non. Ouais. Non, parce que je me rends compte qu'on a fait un aparté qui peut être un peu confusant. Parce qu'en fait, lui, c'est juste un joueur amateur, je crois, genre, enfin, qui a pas un niveau de dingue. Amateur il a battu... de God. Bah ouais, ouais, un ouais peu des deux. Et il a battu le champion du monde, et les gens ont dit, il avait sans doute un appareil vibrant dans le cul. Je sais pas à quelle vitesse ils sont allés à cette conclusion. Du coup, ils ont vérifié voilà sa merde. Ouais. Et pourtant, il restait très peu de place entre Cadmerade et Gilles Lelouch. Il y avait juste la place pour... Tout le cinéma voilà français. Oui. Ce qui a fait le buzz avec l'affaire Niemann, c'est l'hypothèse de cette puce anale. Qui va avoir le droit de fouiller l'anus de quelqu'un avant une partie d'échecs? C'est la triche la moins risquée du monde, raconte au numérique Kevin Blitzstream Bordy, le principal streamer d'échecs en France, wow, qui a dû lui aussi être ravi qu'on l'appelle pour ce genre de choses. Avant les technologies modernes, nous n'étions pas sûrs des systèmes de triche qui changeaient foncièrement le résultat, mais là, n'importe quelle personne qui utilise une technologie peut battre Magnus Carlsen. Il n'est même pas nécessaire de connaître les règles, seulement être guidé par un ordinateur relié à un god dans le cul. J'ai paraphrasé la fin, ouais, évidemment. Mais concrètement, est-ce qu'on sait, enfin, parce que un truc qui te vibre dans le cul, ça te dit pas, écoute, place ta pièce. Enfin, je veux dire, je sais pas comment c'est. Est-ce que c'est genre, tu fais, où est-ce c'est que je vais placer morse, ça? Et quand ça vibre, on te fait, ah, là. Bah ouais. Je sais pas, c'est... j'hésitais. Je pense que Pauline là, ouais, je pense que c'est du morse. Vu que je me suis c'est... touché le cul pour non voir si ça. Attends, le. Ah ouais, d'accord. Tu vois, genre D4, enfin tu vois, peut-être qu'il divise le truc. Donc si ça. Ouais. Bon, malheureusement, si c'est. C'est E8, ouais, ça vibre longtemps. Ah, attends, ouais, je réfléchis, ouais, je réfléchis, ouais, laissez-moi réfléchir. Ouais, en même temps. Ah, il vaut mieux que ce soit A2, clairement. Oui, voilà. Sinon, bah non, c'est peut-être agréable. Parfois, il lui dit bien joué et ça fait genre. En diagonale, le fou! Et oh, ça va? Ouais. Il lui dit, non, mais il fait chaud ou c'est moi? Tu sais, en morse, il fait, non, mais attends, reste. Ouais, ça plaît. Restons concentrés sur la partie, si on bouffe ensemble après ou pas? Non, mais. Oh, molo. Concentre-toi sur les cases du truc. Molo, c'est molo! Très long, phrase. Je fais laquelle? Oh, j'hésite. Allez, celui-là. Un petit-fils mexicain a exaucé le dernier vœu de sa grand-mère, donc ça va faire dégueuler pyjama, mais c'est pas grave. À votre abject avis, lequel était-il, le dernier vœu de sa grand-mère? Alors, est-ce que elle est décédée, hein, voilà. Oui, mais est-ce que c'était, elle voulait voir quelque chose ou faire un voyage et il a transporté son corps à cet endroit? Alors, c'est pas ça. Elle c'est voulait ça réaliser le film Encanto. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et si c'était vrai, c'est très fou. Elle voulait réaliser le film Up et il a accroché des ballons à sa maison. Non, non. Et alors, elle n'a pas réalisé de film. Hein. Je sens que vous êtes parti sur une fausse piste. Le ouais. Covid. Oui, voilà, très bonne réponse. Non, c'est alors en l'occurrence c'était un vœu après son décès. Voilà. Faire, oui, faire quelque chose autour d'elle. Ah, elle avait un rêve qui était quand je serai morte, nanana, faites ça. C'est ça. Mais... donc disperser ses cendres quelque part, par exemple? Non. Disperser son sang quelque part? Non. Est-ce que ça impliquait de conserver le corps, de le momifier, ce non genre de truc? Non. Okay. Non, parce que non, je sais qu'au Mexique, il y a déjà eu des histoires du genre faire marquer un but après la mort d'un mec. Ouais. Retourner acrobatique. La vidéo existe sur YouTube, il y a ce genre de délire. Donc, moi j'ai mis, après ma mort, je veux faire Space Mountain une dernière fois. Donc, vous vous démerdez, vous mettez dans le truc. Ouais, c'est visuel comme van. Ouais. Du coup, elle vient un peu en retard, on fait ah, ok, c'est marrant. Un truc de disperser des cendres quelque part. Alors non, elle n'a... non, rien ne vous a dit qu'elle a été incinérée. Non, donc c'est quelque chose avec son corps, donc. Non. Congelé? Non. Attends, c'est pas avec son c'est corps. C'est pas avec son corps. Elle a... Je peux même vous répondre, elle a été enterrée, vraiment. Tout elle a été enterrée et après sa mort, ils ont fait quelque chose. C'est passé un truc. Un okay concert? Non. Une fête? Une sorte de fête? Non. C'est un floodcast, elle est là-dessous. Non, non. Donc. Elle a été enterrée et c'est lié au fait qu'elle ait été enterrée. Ah, oh, donc ils l'ont déterré. Chose... Non. Il s'est passé quelque chose au-dessus de sa tombe. C'est ça. On a planté des choses. Ah, son mari. Construit. Non. Ah, non. Non, elle n'a pas voulu être. Pour à moto. Elle n'a pas voulu. Non, elle n'a pas voulu être enterrée avec son mari qui est encore vivant, ce qui aurait été horrible de ouais le jeter vivant. C'était son rêve pourtant. Et le mien. Je vais être enterrée. Papy, c'est le rêve de. Désolé, je vais être enterrée avec mon mari, mais vivant. Et je m'en fous. C'est mon rêve. Ok. Jetez-le là-dedans. Ils ont construit quelque chose par-dessus la tombe qui était cher au cœur de cette exactement vieille dame. Exactement. C'est juste ce que j'ai dit il y a 10 minutes, mais ah non, bon c'est pas grave. Non, il y a aucun souci. Ah non, je t'ai senti sincère. Désolée, je suis une merde. J'ai pas dit ça. Bravo Patrick, c'est ça. Non. Attends, mais on n'a pas encore dit ce que c'était le truc en question, donc. Mais c'est oui toi qui as juste en tous les cas. Non. Chiale pas, putain. Non, mais je suis en train de perdre ma lentille en direct. Est-ce que c'est genre une... Je me disais, elle est très suspicieuse. Non, c'est tu perds ta lentille. Si tu veux, tu peux sortir et aller chercher tes est-ce lunettes. Que c'est genre une... Hors de question, je ne vais pas perdre une minute de ce show. Est-ce que c'est une boutique de quelque chose, par exemple? Non. Une statue d'elle. Alors, c'est une statue, mais pas d'elle. Une statue d'Adèle. Non. Ah, c'est une statue. C'est une statue. Une statue de quelqu'un cher à son cœur. Une statue de son chien. Non, ça aurait été trop mignon. Oui. C'est pas ça. C'est dommage. J'ai les larmes aux yeux au moment où je parle. Une statue. Alors attends, une statue d'une personnalité qu'elle admirait. Non. Okay. Malheureusement, Staline. avec la chasse de Mao. Dans quelqu'un de cher à son cœur. Pas quelqu'un. Une statue de chair, la un chanteuse. Animal, non, pas la pas une statue de chair. Donc c'est ça, un animal. Non, pas, animal. Pas un être humain. Pas un animal. Donc une statue, quelque chose qu'elle adorait. Un objet. Une télé. Non. Un objet. Pas un objet. Pas un objet. Un arbre. Une statue d'un arbre. Non. Sa maison. Ils ont non, fait pas une... sa maison. Parce que c'est plus du tout une statue. Un du coup. Si, c'est aussi une statue. Oui, mais une maison, c'est plus une statue du coup. Un plat. Effectivement, un faritas géant. Pardon. Oh, le raciste. Allez. Non, mais en le disant, je le regrettais déjà. Ouais. Donc, ça compte pas. T'inquiète. Un sombrero, là, les moustaches, non, je sais pas. Un poncho. Un burrito, peut-être. Non. Non. C'est une statue vraiment de. Attends. Ni un humain, ni un animal, ni un objet. Un être fictif. Un pas livre. De la bouffe. Non, pas de la bouffe. Un livre, peut-être. Non, pas un livre. Mais attends. Mais qu'est-ce que c'est? Une statue, pour moi, c'est un être une vivant. Une statue non. De la mort. Non. Pas du tout. C'est une sculpture. Sculpture, oui, une sorte. Sculpture. Est-ce que c'est une sculpture d'un concept? C'est un concept. Non, c'est un truc vraiment tangible. Et bien, pas un objet. T'as dit que c'était pas un objet. C'est pas un objet. C'est pas un objet. Oh, mais... C'est un pays. La Terre. La Terre. La planète Terre. Non, c'est Pénis. Pas la planète Terre. Oh, t'as dit quoi? T'as dit quoi? Comme toutes les questions, un pénis. Mais c'est dégueulasse, mamie. La bite de quelqu'un en particulier? Ah ouais. Il s'agit d'une bite d'1,5 m de haut. Eh, c'est celle d'Adrien ou quoi? Putain. Qui pèse 300 kilos. J'ai morvé tellement tu m'as surpris. Toi qui aimes l'étonnement, Patrick, ah oui, j'étais très étonné au point de morver. Ah là, il y a de quoi faire un bouquin de toutes ces réactions. Ah, je l'ai pas vu venir là, ouais. Une Mexicaine de 99 ans avait une affection toute particulière pour les verges. En tant que femme très avant-gardiste, comme l'explique son petit-fils à Vice, évidemment c'est Vice, c'est Vice. Son désir était d'avoir un pénis et des testicules géantes installés au sommet de sa tombe. Wow. 99 ans, quoi. Son petit... Il n'y a pas d'âge pour aimer la bite. Pas d'âge. Son petit-fils a exaucé son vœu. La statue a été installée en signe de reconnaissance de son amour et de sa joie de vivre le 23 juillet. Elle m'a dit que c'était son désir pour que personne ne l'oublie. Bah, bien joué. Il y avait d'autres moyens, mais c'est vrai qu'une bite géante. Mais du coup, est-ce qu'on a des photos de cette énorme bite et que nous puissions nous souvenir plus facilement de tout ce que nous aimons chez elle. À savoir son amour des tubs. J'imagine qu'elle avait d'autres qualité, mais donc. Elle aimait également le football, mais on s'est dit la bite, c'est quand même plus marrant. Une équipe de 12 personnes, dont un menuisier, un ponceur, et non pas Ponce, le YouTube, le streamer. Ponce, la fleur, hein, rien à voir. Et un sculpteur ont été réquisitionnés. Une première tentative s'est soldée par un échec. Malheureusement, le pénis s'est fendu en deux. Aïe, aïe, aïe, ça fait très mal, ça. Ça. Ouais. Il y a eu une petite réaction là. On est ensemble. Une première tentative, donc c'est soldé par un échec. Ils ont dû recommencer le processus de fusion des matériaux pour que les testicules puissent se former correctement. Parce que là, ça ressemble à rien. Bah non, le projet a dû coûter cher quand même. Le PIB du Mexique, dis-toi. Le pays coule à cause de cette statue. Dans l'argot mexicain, il faut savoir que le mot verga, pas du tout le bon accent que j'ai fait, mais enfin bon, ça va. Vois, Agnès. Que l'on peut traduire par verge. Agnès Verga, ouais. À deux utilisations. Selon la façon dont il est formulé, il peut être utilisé comme une insulte permettant de dire à quelqu'un d'aller se faire foutre ou qu'il ne vaut pas plus qu'un pénis, c'est-à-dire qu'il ne vaut rien. Vales verga. Je vous apprends des petits trucs de mexicain. Il ne vaut pas mieux qu'une verge, ça veut dire, c'est ça? C'est ça, tu ne vaux pas plus qu'une bite. Déconstruit de ouf le Mexique pour moi. Mais verga peut aussi être utilisé comme un compliment et un signe d'honneur, donc l'inverse total. L'inverse. Voilà. Tout, une personne verga, c'est une personne cool, un dur à cuire. Doña Cata, c'est le nom de la grand-mère, utilisait souvent cette expression pour se référer avec fierté aux membres de sa famille. Elle a toujours dit, au sens mexicain, que nous étions vergas. Expliquer. Te caresse en même temps. Oui, c'est très spécial. Ouais. Ça symbolise l'intégrité, le courage, la passion, en même temps l'amour et la joie. L'inverse. Elle vous insulte. Chers amis. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, veuillez faire un tonnerre d'applaudissements à Pyjama qui va nous chanter son hommage au Floodcast. Salut Nantes, ça va? Ok. Réveillé dans ses propres fesses, Garou me serre le pénis à l'encre de mon sperme. Le Père Noël sans la pisse. Euthanasie à domicile, télépathe pour chien. Chanter avec moi. Éjaculation fécale, trimpilé orange, cap d'iPhone dans l'urètre. Tout le monde, hier. Yeah. L'amour, c'est comme chien. Non, non, non, non, non, non, non. Tenter un truc. Yes, c'était pas ça. Merci beaucoup. Bravo! Merci. Pyjama! Il s'agissait du flow de cast. Pardon.